425 activation, oral comprehension, masculine, feminine. You will hear 10 sentences. Indicate whether each one is about a young man or a young woman by checking the appropriate box. 1. Il est américain. 2. Elle est cubaine. 3. Elle est africaine. 4. Il est canadien. 5. Il est cambodgien. 6. Elle est hollandaise. 7. Il est japonais. 8. Il est danois. 9. Elle est chinoise. 10. Elle est suédoise.